Eh bien, nous recevons aujourd'hui quatre invités que je remercie tout d'abord de leur présence. Ils vont nous entretenir de trois sujets relatifs au thème de la séance, dont je rappelle l'intitulé « Discours sur l'ESR, enfin l'enseignement supérieur et la recherche, pourquoi la fiction chasse la réalité ». Et vous avez vu que là, nous avons été vraiment courageux, nous n'avons pas mis de point d'interrogation à la formule. Pour le dire de façon quelque peu ramassée, leurs contributions respectives s'intéressent à la relation entre les discours et les actions publiques, soit à la manière dont les uns initient ou justifient les secondes au regard des objectifs d'une politique. Ce qui conduit parfois à délaisser d'autres aspects et descriptions possibles des problèmes considérés. De ce fait, peuvent être d'emblée privés de publicité et d'examen sérieux d'autres façons d'appréhender les problèmes en cause, c'est-à-dire également d'autres façons de dessiner des voies de solutions envisageables. Je distinguerai trois petites musiques dans cet ensemble que j'espère chorale. Une perspective qui traite du processus par lequel des idées s'immiscent dans la vie publique et instaurent ou justifient la mise en place d'un dispositif permettant la mesure d'un phénomène plus ou moins nouveau. La question se pose alors de savoir comment une initiative locale parvient à s'extraire de sa contingence, de son contexte initial et des étapes de son ascension résistible pour être désormais reconnue comme un outil de jugement incontournable des membres du domaine d'activité concerné. Je veux parler ici de la trajectoire qu'a connue au sein de la sphère politico-médiatique la notion de classement de Shanghai, à la base du premier classement mondial des universités auquel Christine Barat et Jean-Marc Leblanc ont consacré une étude. Une autre partition est celle qui montre comment certaines idées ont la vie dure et initient une politique qui semble devoir résister avec succès à toute remise en cause ultérieure, et ce en dépit même de la démonstration faite par diverses sources du lien peu convaincant de la politique en question avec les pratiques sociales qu'elle prétend orienter. Il est question ici du dispositif connu sous le nom de crédit impôt recherche dont Henri Audier s'est fait l'un des analystes les plus rigoureux. Enfin, et c'est peut-être le morceau le plus copieux, tant il est omniprésent dans tout discours qui porte sur le monde social, y compris lorsqu'il concerne l'enseignement supérieur et la recherche. Je veux parler du mélange, parfois insidieux et en tout cas inévitable, que l'on fait dans la pensée courante entre ce que l'on sait d'expérience et ce que l'on connaît par ouï-dire, selon la distinction d'Alfred Schütz, pour observer, décrire et analyser des situations, événements et cours d'action qui ont pourvoyé le monde dans lequel nous vivons, que nous connaissons en commun et partageons avec d'autres. Évidemment, la part de ce que l'on connaît par procuration au sujet du monde est supérieure à celle que l'on peut connaître par la seule expérience directe. Dans nos sociétés contemporaines, une part essentielle de ce savoir de sens commun est véhiculée par les médias. Pour cette raison, Dorothy Smith désigne cette forme de savoir médiatisé par des documents d'origine variée par le terme de « réalité documentaire ». Ce terme désigne des pratiques socialement organisées qui consistent à documenter et relater ce qui s'est produit afin de créer une réalité sous une forme documentaire sans que celle-ci ne garde trace des opérations qui ont permis de la constituer de prime abord. Le destinataire est simplement confronté à un ensemble d'énoncés factuels sur le monde. S'agissant en outre de réalités institutionnelles qui ne sont pas elles-mêmes directement accessibles à l'expérience individuelle immédiate, telles l'enseignement supérieur et la recherche, l'université, le secteur de la formation et de l'emploi, etc., et sont autant de foyers alimentant des questions de société, une production documentaire de sources variées et à flux continu contribue à modeler au fil du temps une représentation relativement stabilisée de ces domaines organisationnels avec une visée d'information, certes, mais également, pour certaines sources, dans une orientation tournée vers l'action, laquelle se retrouve à son tour énoncée sous forme d'information par les médias. C'est ainsi, pour ce qui concerne le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'est devenue pressante la question d'adapter au mieux l'existant aux conditions nouvelles que son environnement lui imposerait désormais à travers la mise en œuvre d'une économie de la connaissance. Une formule qui, soit dit en passant, a fait florès et dont on n'est plus forcément amené à se pencher ni sur les origines, ni sur la signification, tant elle a, semble-t-il, trouvé sa place dans la boîte à outils du discours désormais convenu sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche. un simple intitulé dessinant un objectif à atteindre, que la formation et singulièrement l'enseignement supérieur et la recherche contribuent au moyen de la diffusion des connaissances et du transfert de technologies en direction des entreprises à la bonne santé économique du pays qui la finance, ainsi pu devenir une attente sociale aussi impérative que légitime adressée aux acteurs de ce secteur et un fait à partir duquel évaluer les efforts de transformation interne opérés par et dans ce milieu. Une mutation qui laisse dans l'ombre un certain nombre d'aspects que l'on pourrait qualifier de traditionnels, s'agissant des universités par exemple, au profit d'impératifs à forte dimension utilitariste et court-termiste, décidant de la réorganisation de ses structures de prise de décision, comme de ses programmes, voire de sa pédagogie. Une transformation initiée autour d'un intérêt collectif marqué en faveur des produits et sous-produits économiquement exploitables de cette connaissance, plus que par l'attention accordée aux conditions et moyens nécessaires pour la cultiver de manière pérenne. Ce qui manifeste le lien à la fois cognitif et normatif qui s'établit sous certaines conditions entre le choix d'une formulation telle que celle d'économie de la connaissance et la nature de l'action transformatrice que l'on peut exercer sur ce qui se trouve ainsi désigné par elle et semble devoir lui donner un cap allant de soi que l'action en question ne ferait que matérialiser. Cet exemple a le mérite de souligner la difficulté qu'il y a pour toute forme d'enquête sociologique, professionnelle ou prosaïque, à dire quelque chose de pertinent sur le monde social dès lors qu'elle reprend, bien souvent sans les analyser, les catégories du sens commun, qui ne sont pas des mots neutres, et servent à des entreprises où il est moins question de décrire que de faire valoir et prévaloir une vision des choses face à laquelle les autres versions disponibles devront ou devraient s'incliner. Reprendre les termes en vogue, soit les formules dominantes pour décrire prétendument la réalité sociale qui s'impose à tous, se retrouve fréquemment dans le discours de sens commun et singulièrement dans celui des rapports d'enquête officiels comme des médias. Tous deux déploient leur vision positiviste d'un monde peuplé d'objets dont les propriétés sont censées être communément observables, identifiables, mesurables, analysables de manière objective. Or, précisément, ce tropisme indique en négatif la voie à suivre pour échapper à ces certitudes. Moins s'intéresser à ces objets et à leurs propriétés naturelles qu'à la manière méthodique dont les constitue comme tels le discours qui les rapporte, les réalités documentaires qu'ils créent et les idées dites toutes faites qui en résultent après qu'elles ont été élevées avec succès au rang de faits dans la sphère du discours public et dans celle de la compréhension commune. Ainsi, si l'on dit que l'université est une fabrique de chômeurs, que ses formations ne sont pas adaptées à l'emploi, que le tiers des inscrits de L1 en licence première année échouent à leurs examens en ressortent sans diplôme, que l'université souffre d'être une filière de formation non sélective, au motif qu'elle n'élève pas de barrière à l'entrée dans les études supérieures, on a a priori plus de chances de voir notre interlocuteur opiner du chef que si l'on prenait le contre-pied de ses évidences. Un récent article du Monde consacré à la 4e enquête annuelle sur l'insertion des étudiants diplômés de l'université en 2010, que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vient de rendre public, commence ainsi par avancer que l'université n'est pas une usine à chômeurs. Le point d'exclamation qui conclut la phrase indique assez combien pour le journal. Tout d'abord, la nouvelle est peu banale et souligne ainsi qu'elle va à l'encontre de ce que le public destinataire pouvait spontanément croire et penser sur le sujet. C'est une attente, sous la forme d'une croyance partagée qui pouvait se prendre jusqu'ici pour un savoir bien fondé, que le journal attribue à son public, vis-à-vis desquels la valeur d'information que représente cet énoncé tient au démenti que l'enquête invoquée lui apporterait. Mais justement, pouvoir le faire implique d'examiner la manière dont ces évidences sont couramment produites et servent ensuite de fondement à questionner la formation d'autres évidences du même type au sein d'un discours formant système. Une telle démarche conduit à faire surgir en parallèle d'autres types d'informations qui ne reçoivent pas toute l'attention à laquelle elles pourraient prétendre. La fenêtre qui s'ouvre alors est bien entendu, vous l'aurez reconnu, celle de l'analyse critique qui spécifierait la contribution des sciences sociales à la connaissance du monde comme il est et comme il va, en slalomant entre les portiques édifiés par les points de vue nombreux et variés qui jalonnent le sol de ces réalités socialement accomplies. C'est à ce travail de dévoilement que se livrent rigoureusement et méthodiquement Romuald Bodin et Sophie Orange, dans un ouvrage dont l'intitulé passe d'abord pour une aimable plaisanterie, tant il va à contre-courant d'une opinion commune en affirmant que l'université n'est pas en crise, avant d'apparaître très vite pour ce qu'il est, une entreprise de dénaturalisation et de désobjectivation des foyers d'évidence et d'allant de soi au sujet de l'enseignement supérieur et de la recherche qui court les rayons des bibliothèques, des gazettes et les travaux des experts et des sociologues en particulier. En s'intéressant aux méthodes employées dans la littérature consacrée à ce sujet, au regard des lacunes, omissions et oublis récurrents de son corpus, leur travail réintroduit un regard critique par lequel d'autres éléments, pourtant également publiquement disponibles, mais cependant délaissés par les enquêtes qui franchissent le seuil de l'attention publique et reproduisent leur contenu en écho, peuvent trouver un cadre d'exposition qui offre une alternative au point de vue établi sur le domaine. En ce sens, il contribue avec d'autres, à commencer par nos invités de ce soir, à ouvrir un débat que le corpus dominant tendait à étouffer en le figeant sous une perspective conventionnelle et consensuelle de mauvais aloi. Pour cette séance, je propose que nous entendions d'abord Christine Baratz, à ma droite, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Descartes et membre du Centre d'études des discours, images, textes, écrits, communication, CEDITEC, qui est un laboratoire de l'Université Paris-Est Créteil. Elle nous parlera de la manière dont la formule « classement de Shanghai » s'est peu à peu imposée dans le sillage du discours sur la réforme des universités. Nous poursuivrons par la mise en question des nombreux lieux communs insoupçonnés autour de l'université que l'ouvrage de Romuald Baudin, qui est sociologue, maître de conf à l'Université de Poitiers, chercheur au groupe de recherche et d'études sociologiques du Centre Ouest, qui est un laboratoire de l'Université de Poitiers et de Limoges, et Sophie Orange, sociologue, maître de conf à l'Université de Nantes, chercheuse au Centre Nantais de sociologie, débusque et répertorie. Enfin, Henri Audier, chimiste, directeur de recherche émérite au CNRS, abordera la question du CIR, ou Crédit Impôt Recherche, un dispositif que les pouvoirs publics maintiennent contre vents et marées, en dépit de ses piètres résultats, pourtant fort bien documentés. Et je passe la parole à Christine Baratz.